Le jardin de Philippe par J. H. Rosny-Aîné. Quand il eut près de 50 ans, il avait réussi à s'engager et à combattre. C'était un homme maigre, jaune et baroque, avec des yeux couleur d'héliotrope, des yeux chimériques et pleins d'une tendre mélancolie. Il semblait débile, mais il avait une force latente faite pour les efforts persévérants. Quand il arriva sur le front, c'était déjà la guerre de tranchées. Il endura sans se plaindre l'humidité, les rats, les obus, et toujours malade en apparence, il ne cessait de jouir d'une santé modeste et invincible. À son arrivée, il ne savait à peu près rien. Il tirait mal, il était incapable de lancer la grenade, il rêvassait en pleine bataille. Mais il était perfectible. Il devint un fusil excellent et le meilleur lanceur de grenades du régiment. Il inventait constamment des trucs pour tromper les boches et aussi pour les induire à se rendre. Il devint caporal, fut cité à l'ordre du jour et enfin passa sergent. On lui attribuait la mort d'une dizaine d'ennemis et il faisait souvent des prisonniers. À la longue, il n'eut que des amis. Il recevait au reste beaucoup de cadeaux en vivres et en vêtements dont il faisait part aux camarades avec une générosité insouciante et rêveuse. Quand un éclair lui enleva trois doigts de la main gauche, tout le monde regretta de le voir partir. Il guérit vite et il fut réformé. Il retourna dans sa vieille maison, au bord de l'Yonne, où il recommença de vivre avec ses deux antiques servantes, son chien et son cheval. Il regrettait la tranchée, parce qu'il aimait à remplir son devoir et aussi parce qu'il avait au cœur une tristesse profonde. Philippe Chesnais n'était pas seulement un héros de la guerre, mais aussi un héros de l'amour. Il n'avait aimé qu'une seule femme, et il trouvait juste qu'elle eût aimé un autre homme, auprès duquel il s'estimait sincèrement un pauvre être laid, terne et fade. À elle seule, cette femme a pour lui une existence supérieure à celle de toutes les créatures. Il croit à ce cou qui jaillit si délicatement sous la tête plantée d'une herbe foisonnante. Il croit à ses bras qui s'éploient comme des cols de cygne. Il croit aux yeux aussi noirs que l'anthracite, mais où la lumière circule comme l'eau dans la rivière. Et d'ailleurs, il ne fait pas de comparaison. Gabriel n'en a suscité aucune. Visage qui éclaire, bouche rouge, lueur vive des dents, rythme mystérieux de la démarche. Elle est l'existence essentielle. Un jour, Philippe a cru qu'il n'y avait pas d'autre femme. Il a laissé croître la folie. Elle a poussé comme une grosse plante parasite, à 1000 racines et à 1000 crochets. Comme il était né pour ce mal, il l'a subi avec ivresse, il s'est embaumé de regrets et délecté de désespoir. Ce jour-là, il songeait au bord de l'Yonne, auprès d'un havre où poussent des roseaux et des sagittaires. Les ombres mauves s'emplissaient de moucherons et de némosères, et il entendit une voix fervente. « Bonjour, grand ami !» Il se tourna, le cœur saisi d'un grand trouble. Il reconnut Germaine, la fille de Gabriel. À quelques pas s'immobilisait une gouvernante moustachue. « Ah, cher petit enfant » murmura-t-il. Elle avait 12 ans. Il y avait sur son visage un reflet fidèle de sa mère. Ses yeux de feu se fixaient sur Philippe et contemplaient la croix de guerre. « Nous sommes de retour » dit-elle en lui mettant les bras autour du cou. « Et tu sais, on t'admire, tous, tous !» Il tenait la main de la fillette. Il revoyait le lac lointain où Gabi lui était apparu. Il l'étouffait de tendresse. Il dit, les paupières moites, « Vrai, tu ne m'as pas oublié, ni les autres. Ah bien, fit-elle, t'oublier, et maintenant que tu es un héros. » Elle s'assit à côté de lui sur un banc de grès rouge. Elle discourait au hasard d'une voix argentée où résonnait l'autre voix. Jamais ne lui avait autant paru l'enfant de Gabriel. Dans le jour plein de grâce, près de la rivière au beau tournant, il se réjouissait de fines ressemblances. Il avait l'impression d'un prolongement délicat et charmant de la vie. Elle s'était mise à l'interroger. Il raconta la vie souterraine, les embuscades, le roquement sauvage des canons et le rire cruel des mitrailleuses. Il dit les jours d'attente, les nuits troubles, le courage patient des soldats. Elle participait à cette vie. Il n'y avait pas d'âme plus française que celle de cette petite fille, mieux reliée aux instincts profonds de la foule. Elle s'enchantait auprès de cet homme triste, qui avait si bien combattu. Elle interrogeait inlassablement. « Oh, c'est beau » murmura-t-elle. Le déclin du jour venait, la lumière fauve, les ombres longues sur les prairies et sur la rivière, où commençaient à danser les moustiques. Ils se levèrent. Le grand jardin de Chenet, avec ses prodigieux iris et ses glaïeuls versicolores, s'étendait devant la maison rose, au toit d'ardoise. Et Chenet dit « Je te donnerai ce jardin, Germaine, après ma mort. Je sais que tu l'aimes et que tu le garderas. Tu penseras au pauvre vieux Chenet. » Ces paroles oppressèrent Germaine. Elle se révolta contre leur sens mystérieux et redoutable. « Je veux que tu vives vieux, vieux comme les corbeaux, » dit-elle en mettant sa tête contre l'épaule de Chenet. « Et puis, je t'ai toujours beaucoup aimé. Mais aujourd'hui, vois-tu, il me semble... » Elle hésita, elle chercha ses mots. « Aujourd'hui, il me semble que tu es devenu mon second père. » Les yeux de Chenet se remplirent de larmes. Il étreignit longuement la petite main. Il savait combien Germaine était fidèle et sincère. L'innocente tendresse se répandait finement en lui, comme un reflet de la mer, comme une filiation subtile qui lui donna l'illusion d'avoir, en quelque manière fantastique, une part dans l'ascendance de Gabriel. « Oh, mon petit enfant chéri » balbutia-t-il. Et pour la première fois depuis 20 ans, devant le jardin féerique, devant la douce demeure des aïeux, l'âme de Chenet s'emplit d'une joie parfaite. C'était « Le jardin de Philippe » par J.H. Rony-Aîné.